Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Où peut-on trouver des commentaires originaux et royaux sur les maximes de La Rochefoucauld ? À Stockholm, sous terre. Annotation dans la marge, signée de la reine Christine en personne. Les rapports culturels entre la France et la Suède au XVIIIe siècle, la correspondance avec Descartes, Pascal, la France aime-t-elle la reine Christine ? Que pensaient ses contemporains de la reine Christine, de sa conversion au catholicisme, de son goût pour les langues, elle en parlait 4 ou 5, de ses connaissances en sciences, en musique, en littérature, de sa création de l'Académie de Suède. Dans les archives à Stockholm, on trouve trace des relations entre la reine Christine et la France, et c'est bien ce qui nourrissait un été sur France Culture, une série intitulée « La France dans les archives de l'Europe ». Le 9 août 1982, Pierre Descargues présentait « La France dans les archives de l'Europe » à Stockholm. Et puis on va arriver. Enfin, les goûts varient. À descendre pour arriver au cœur de la montagne, dans le domaine des archives. Voilà, nous sommes arrivés dans ces archives nationales de Suède, à Stockholm, et alors que d'habitude nous prenons un ascenseur pour monter dans les étages, ici c'est exactement le contraire, le bâtiment a été creusé dans les rochers, et c'est au troisième étage, c'est-à-dire, nous sommes partis du neuvième, nous sommes arrivés au troisième, au moins trois, dans une température extrêmement fraîche, ce qui est agréable en ce moment, bien que Stockholm, avec ses arbres et ses eaux, soit une ville de résidence agréable. Et nous avons franchi des portes blindées. Je veux dire que c'est la première fois dans cette enquête que nous trouvons une protection aussi évidente. Les Suédois sont conformes à l'image qu'on s'en fait. L'organisation des archives ici est quelque chose de sérieux et ce sont les plus grosses portes de coffre-fort que j'ai jamais vues. Et nous sommes installés maintenant dans une pièce qui, comme tous les rayons d'archives, est pleine de gros in-folios reliés en parchemin. Ils s'alignent les uns à côté des autres. Je pense qu'il s'agit des actes notariés. Un peu plus loin, par un couloir, j'aperçois des boîtes. Tout cela est remarquablement rangé. Et on m'apprend à l'instant que ces archives ont 80 km de rayon, ce qui, jusqu'à présent, dans cette enquête nordique, est une sorte de record. Yann Aigner, nous allons parler, pour commencer, ces deux émissions consacrées au rapport culturel entre la France et la Suède, tels qu'ils apparaissent dans les archives de Stockholm, de la personne la plus célèbre, peut-être, je pense, chez les Français du moins, et celle qui a peut-être eu la plus grande action sur le renouvellement à la fois français et italien des idées à son époque, c'est de la reine Christine. Alors, avant que l'historien, l'archiviste que vous êtes ne s'exprime, j'aimerais que vous me disiez, pour un Suédois d'aujourd'hui, est-ce que cette reine Christine est quelqu'un qui est présent, qui existe, à qui on pense de temps en temps, ou qu'est-ce qu'elle représente, quelque chose ou rien ? Je crois effectivement qu'elle représente vraiment quelque chose aujourd'hui, parce que les femmes s'intéressent beaucoup à Christine. On la regarde dans une certaine mesure comme la première femme vraiment libre qui a osé rompre avec la vie quotidienne, disons, qui a osé s'expatrier dans un futur qu'elle connaissait mal. Je crois que on s'intéresse beaucoup, encore beaucoup à la reine Christine. Et il y a des choses qui le prouvent d'ailleurs. Vous savez qu'il y a une vingtaine d'années, je crois, une exposition très importante au National Museum, par exemple. Oui, elle était consacrée à la reine Christine, en effet. Et parallèlement, si je me souviens bien, le Moderna Musette exposait, peut-être c'était un peu sacrilège, une grande figure féminine couchée du sculpteur français Nikite Saint-Phalle, dans laquelle sculpture on pénétrait par la voie par où viennent les enfants d'habitude, et on se promenait à l'intérieur de ce corps féminin. Je ne sais pas comment les gens de Stockholm à l'époque ont pris ce rapprochement entre la reine et ce qu'on appelait la houne, je crois que c'était la femme. Oui, exactement. Hein, exactement. Mais enfin, c'était elle. C'était elle, en français, c'est ça. Oui. Voilà. Non, on n'a pas fait le rapprochement à ce moment-là, je ne crois pas. À ce moment, sur la table, dans la fraîcheur de la climatisation de cette chambre forte, creusée au fond du roc, sous le niveau de la mer, un dossier de carton est ouvert, d'où sort une lettre, l'encre à peine passée, l'écriture régulière, d'une perfection de typographie, quatre grandes pages, d'un personnage, Pierre Chanu, qui fit plus que ses fonctions ne l'exigeaient. Il était devenu, lui, l'ambassadeur de Louis XIV, beaucoup plus qu'un ambassadeur, qu'un homme du roi de France au service de la reine de Suède, cette reine Christine que la grande mademoiselle, quand Christine vint en France, allait décrire comme un joli petit garçon. À la reine Christine de Suède, le 6 février 1652. Madame, la lettre qu'il a plu à votre majesté de m'écrire le 3 janvier au sujet de la reprise du traité de paix avec la Pologne m'a été rendu par M. Salvius, qui a jugé à propos que j'ai fait savoir à M. Leszenski, chef de la légation polonaise à Lübeck, et à M. Hilbrandt, secrétaire de la même ambassade, la résolution de votre majesté de renvoyer messieurs ces ministres à Lübeck au temps convenu, ou, si la saison y apportait quelque retardement, au plus tard dans le mois de mai prochain. Et la lettre d'information apporte tous les éléments qui permettront à la souveraine de se faire une opinion. Puis, Chanu conclut, il me reste, madame, à demander à votre majesté ce qu'il lui plaît faire de moi en cet état des difficultés du traité. Le roi, mon maître, veut que je dépende absolument d'elle et que je ne revoie la France que quand elle me le permettra. Et je bénis ma bonne fortune de me voir en quelque façon absolument soumis à son pouvoir. Si votre majesté veut que les traités commencent plus tôt qu'à la fin de juillet, je ne demande pas permission de m'en aller pour revenir si promptement sur mes pas. Mais si elle trouvait bon et convenable à ses intérêts que l'Assemblée ne s'ouvrît qu'en août ou plus tard, et qu'elle ne me jugeât cependant en aucune façon utile à entretenir la correspondance entre les deux couronnes de Suède et de Pologne, je me licencierai de la supplier de me permettre un petit voyage dans mon pays. Et sous cette condition, néanmoins qu'encore qu'elle me l'accorde, s'il survenait quelque occasion qui me fit juger mon séjour propre au bien de ses affaires, je demeurerai et oublierai tout pour être en effet, madame, de votre majesté, le très humble, très obéissant et très soumis serviteur. Pierre Chanu. La reine Christine était sûrement quelqu'un d'assez choquant. J'ai les dates sous les yeux, je vais les donner. Elle est née en 1626. Son père est mort quand elle était très jeune, je crois qu'elle avait 6 ans. Ensuite, le royaume est passé dans la régence de quelqu'un que nous appelons Oxenstierna et que vous avez les nommés en suédois parce que c'est tout à fait autre chose. Axel Oxenstierna. Voilà. Et que son père avait voulu qu'elle fût élevée comme un garçon. Et, si, oui. Et ensuite, tout commence. Et on voit surgir un personnage que je trouve incompréhensible. Peut-être allez-vous m'aider. C'est quelqu'un qui à 20 ans, était en communication avec le philosophe français Descartes, que vous appelez Cartésius. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer cet être, cette reine, qui était formée en gymnastique, qui montait à cheval, qui était, je crois, décrite comme un grand politique, très vite, on a dit tout de suite qu'elle avait la tête politique, et qui savait absolument tout, et qui a voulu ouvrir son pays à la culture du Sud. Alors, est-ce que on peut maintenant dire ça en se trompant ou bien est-ce qu'on se trompe pas? Parce que c'est très joli, 400 ans après, de dire elle a voulu faire ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut dire que Christine a été la personne qui a vraiment le plus ouvert la Suède au monde extérieur? Je ne sais pas comment ses contemporains ont réagi. Je crois qu'ils ont été choqués à certains égards. Par exemple, abandonner la foi de ses ancêtres était regardé comme sacrilège par certains. Et surtout, ça faisait à peu près un siècle que la Suède était protestante. Donc, je crois que son action, le fait de quitter son pays, a été regardé comme une action plutôt blâmable. Mais on admirait aussi beaucoup la reine. On savait qu'elle parlait 4 ou 5 langues. Qu'elle lisait l'hébreu, qu'elle lisait le livre en latin. L'hébreu, l'arabique. Je crois qu'on l'admirait. On admirait son savoir et ses connaissances. Je ne sais pas si son rôle a vraiment été d'ouvrir son pays au courant étranger. Il est difficile de dire cela, mais vous savez, son règne a été très court et du moment qu'elle a quitté la Suède, elle perd de son importance comme reine. Elle est un personnage intéressant, mais elle n'a plus une très grande importance pour la Suède. Il faut dire qu'elle abdique à 27 ans, qu'elle s'en va et que sa vie se termine en Italie, à Rome. Oui, évidemment. En 1689, c'est-à-dire à l'âge de 63 ans, avec une vie véritablement accomplie. Mais du temps de son aventure suédoise, si on peut dire, le fait qu'elle correspond avec Descartes quand elle a 20 ans, le fait que Pascal lui envoie une de ses premières, ou peut-être sa première, même machine à calculer, avec une lettre que nous connaissons. Lettre à la sérénissime reine de Suède, juin 1652. Madame, si j'avais autant de santé que de zèle, j'irais moi-même présenter à votre majesté un ouvrage de plusieurs années que j'ose lui offrir de si loin. Et je ne souffrirais pas que d'autres mains que les miennes eussent l'honneur de le porter aux pieds de la plus grande princesse du monde. Cet ouvrage, madame, est une machine pour faire les règles d'arithmétique sans plume et sans jetons. Quelque puissant que soit un monarque, il manque quelque chose à sa gloire s'il n'a pas la prééminence de l'esprit. Et quelque éclairé que soit un sujet, sa condition est toujours rabaissée par la dépendance. Les hommes, qui désirent naturellement ce qui est le plus parfait, avaient jusqu'ici continuellement aspiré à rencontrer ce souverain par excellence. Tous les rois et tous les savants en étaient autant d'ébauches, qui ne remplissaient qu'à demi leur attente, et à peine nos ancêtres ont pu voir en toute la durée du monde un roi médiocrement savant. Ce chef-d'œuvre était réservé pour votre siècle. Et afin que cette grande merveille parût accompagnée de tous les sujets possibles d'étonnement, le degré où les hommes n'avaient pu atteindre est rempli par une jeune reine, dans laquelle se rencontrent ensemble l'avantage de l'expérience avec la tendresse de l'âge, le loisir de l'étude avec l'occupation d'une royale naissance, et l'éminence de la science avec la faiblesse du sexe. C'est votre majesté, madame, qui fournit à l'univers cet unique exemple qui lui manquait. C'est elle en qui la puissance est dispensée par les lumières de la science, et la science relevée par l'éclat de l'autorité. C'est cette union si merveilleuse qui fait que, comme votre majesté ne voit rien qui soit au-dessus de sa puissance, elle ne voit rien aussi qui soit au-dessus de son esprit, et qu'elle sera l'admiration de tous les siècles qui la suivront, comme elle a été l'ouvrage de tous les siècles qui l'ont précédée. Régnez donc, incomparable princesse, d'une manière toute nouvelle, que votre génie vous assujettisse tout ce qui n'est pas soumis à vos armes. Régnez par le droit de la naissance durant une longue suite d'années sur tant de triomphantes provinces, mais régnez toujours par la force de votre mérite sur toute l'étendue de la terre. Pour moi, n'étant pas né sous le premier de vos empires, je veux que tout le monde sache que je fais gloire de vivre sous le second, et c'est pour le témoigner que j'ose lever les yeux jusqu'à ma reine en lui donnant cette première preuve de ma dépendance. Je ne souhaite rien avec tant d'ardeur que de pouvoir être avoué, Madame de Votre Majesté, pour son très humble, très obéissant et très fidèle serviteur. Blaise Pascal. Le fait qu'elle écrive à Gassendi, le fait qu'elle se veuille au courant de toute la culture scientifique, et bientôt on verra qu'elle la veut littéraire aussi et musicale, même si le phénomène ne touche que la cour et le petit entourage de Christine, c'est quand même l'entrée d'idées absolument nouvelles. On sait par ailleurs quelqu'un qui a aidé la dissection anatomique, et que c'est grâce à elle qu'un grand professeur comme Olof Rudbeck a pu découvrir ce qui s'appelle, je crois, la caverne de Pequet, que d'autres savants découvraient à travers le monde au même moment, et qui était une connaissance anatomique absolument capitale, car vraiment, donc, on la voit, mais nous, c'est un regard étranger, on la voit comme quelqu'un qui fait tout pour que les choses neuves soient présentes dans son pays. Est-ce que, même si ça n'a pas de résonance, est-ce que c'est vrai? Oui, je crois que c'est vrai, à certains égards, mais je crois que c'était plutôt qu'elle avait des ambitions intellectuelles qu'elle voulait satisfaire, mais je ne sais pas si elle pensait vraiment tant à ses compatriotes, à ses contemporains, si elle avait un but bien précis, ou si c'était par curiosité privée, ça je l'ignore. Donc en tout cas, ce qui est sûr, à votre avis, c'est qu'elle a voulu se faire une cour qui puisse rivaliser avec celle d'Europe. Oui. On entendra tout à l'heure une lettre qu'elle a écrite à Louis XIV, quand Louis XIV était peut-être encore hésitant sur l'architecture du Louvre et que le Bernin passant à Paris aurait pu faire un coup merveilleux. Ça n'a pas abouti. Mais il y a donc une sorte de démarche de l'ancienne reine Christine auprès de Louis XIV. Je ne dis pas pour le forcer, car elle n'en a peut-être pas le pouvoir, mais pour faire en sorte qu'il aille vers le projet qui lui semblait à elle le plus novateur. À l'image de l'Académie française, la reine Christine a fondé l'Académie de Suède avec des statuts pour lesquels René Descartes fut sollicité de donner son avis. L'Académie française, quand la nouvelle de l'abdication de la souveraine fut connue, abdication qui s'accompagna d'un refus du protestantisme et d'une entrée dans le catholicisme romain, lui demanda son portrait. Elle répondit, 4 jours après la publication de son renoncement à la couronne de Suède. Elle avait 28 ans. Messieurs, comme j'ai su que vous désiriez mon portrait, j'ai commandé qu'on vous le donnât. Et ce présent est doublement reconnu, et par la manière dont vous l'avez reçu dans votre célèbre académie, et par les éloquentes paroles que vous avez employées à m'en rendre grâce. J'ai toujours eu pour vous une estime particulière, parce que j'en ai toujours eu pour la vertu. Et je ne doute point que vous m'aimiez dans la solitude, comme vous m'avez aimé sur le trône. Les belles lettres que je prétends y cultiver en repos, et avec le plaisir que je me réserve, m'obligent même de croire que vous me fassiez part quelquefois de vos ouvrages, puisqu'ils sont dignes de la réputation où vous êtes, et qu'ils sont presque tous écrits dans votre langue, qui sera la principale de mon désert. Je ne manquerai pas de vous en témoigner ma reconnaissance et de vous faire voir quand je pourrai vous être utile que je serai toujours, messieurs, très affectionnée à vous servir. Christine. À Uppsala, le 10 juin 1654. Est-ce qu'on peut l'imaginer galopant sur un cheval, furieuse, prenant des crises de colère? Comment est-ce qu'on peut la voir? Je crois qu'elle était assez petite. Vous savez peut-être qu'on a ouvert sa tombe et on l'a mesurée. Enfin, mais je crois qu'on a trouvé une femme plutôt petite, peut-être un peu grossie par l'âge, mais quand même, on ne lui a rien trouvé d'anormal parce qu'on a dit qu'elle était peut-être hermaphrodite et je ne sais pas toutes les choses qu'on a débitées sur son compte, mais on n'a rien trouvé d'anormal. On a dit que une femme parfaitement normale de... Quel âge elle avait quand elle est morte? 63 ans. Une petite femme, une bonne petite femme, parfaitement normale, qui avait même les traits de son visage, on les a trouvés très beaux, elle avait de très grands yeux. Bien qu'enfant, elle était plutôt maladive. Je crois qu'elle a dû avoir une volonté de fer pour pouvoir supporter d'aller à cheval et... Qu'est-ce qu'on dit en français? En selle de dame ou... À l'Amazone. Ce qui était encore, je crois, beaucoup plus difficile que de monter avec une selle d'homme. De Christine, c'est qu'elle fait tout pour avoir une cour comparable aux autres. Elle se constitue un cabinet de manuscrits, un cabinet de dessins, des peintures qu'elle achète, une collection fabuleuse. Elle s'installe une bibliothèque avec les meilleurs bibliothécaires possibles. Et dans cette bibliothèque, on voit arriver la plus ancienne version connue des poèmes, des ballades de François Villon, ce qui est assez étonnant. Alors, qu'est-ce que ça signifie, à votre avis? Je sais qu'il faut être prudent quand on fait une histoire. J'ai tendance à la regarder comme une personne qui était volontairement à la pointe de l'avant-garde, peut-être un regard un peu moderne. Est-ce que cette quantité d'actions bien dirigées dans la même direction permet qu'on dise cela, ou bien c'est un peu le hasard? Est-ce que l'historien que vous êtes est plus prudent que moi? On ne la regarde peut-être plus comme une bonne politique, je ne pense pas, mais c'était une femme qui s'intéressait surtout aux activités culturelles. Donc, je ne crois pas qu'elle ait eu une conscience politique très nette. Je crois que le peuple suédois ne l'intéressait pas. En tant que peuple, elle ne connaissait que des nobles, qu'une partie extrêmement restreinte de la population. Je crois que c'était uniquement les activités culturelles qui l'intéressaient. Donc, la philosophie, la musique, et les langues. Cette fois, du carton ficelé sort une liasse qui nous fait voir comment on lisait au XVIIe siècle. On ne lisait pas toujours des ouvrages imprimés, on en avait des copies manuscrites. Et Christine se fit établir plusieurs exemplaires manuscrits des sentences et maximes morales de M. de La Rochefoucauld, dont la première édition imprimée avait paru en 1665 et que l'auteur augmenta jusqu'à 1678. Cette liasse, qu'on va lire à deux voix, l'une pour La Rochefoucauld, l'autre pour Christine, comporte deux colonnes manuscrites. Sur la gauche, la copie des maximes de La Rochefoucauld, selon l'édition de 1671. Sur la droite, la copie des remarques de la reine. Tout cela très lisible, d'une bonne main de secrétaire. Mais, parfois, arrive un commentaire d'une autre plume. L'écriture est alors comme furieuse. C'est la reine qui ajoute une idée nouvelle. Et l'on suppose aussi qu'elle a aussi souligné quelques phrases du texte de La Rochefoucauld. C'est donc un exemplaire unique de lecture et de réflexion. Peu de gens connaissent la mort. On ne la souffre pas ordinairement par résolution, mais par stupidité et par coutume. Et la plupart des hommes meurent parce qu'on ne peut s'empêcher de mourir. Le moyen de considérer la mort. Peu de gens connaissent et la vie et la mort. Il me semble qu'il est ridicule de dire que l'on souffre la mort par coutume. L'on serait bien sot de mourir si l'on pouvait faire de moins. Lorsque les grands hommes se laissent abattre par la longueur de leurs infortunes, ils font voir qu'ils ne les soutenaient que par la force de leur ambition et non par celle de leur âme, et qu'à une grande vanité près, Les héros sont comme les autres hommes. Il faut distinguer le vrai du faux. Les héros de filigrane. Les vrais héros ont sans doute une force d'âme qui les soutient dans l'une et l'autre fortune. La vanité et la véritable vertu ne sont d'aucune façon ensemble. Ainsi, le héros ressemble aux autres hommes, mais les autres hommes ne lui ressemblent pas. Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise. J'en doute. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Cela est vrai, humainement parlant. On fait souvent vanité des passions, même les plus criminelles. Mais l'envie est une passion timide et honteuse que l'on n'ose jamais avouer. Un cœur véritablement noble est incapable de cette passion. Et l'on ne doit envier que le mérite et non pas la fortune à ceux qui l'ont. La jalousie est en quelque manière juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient et que nous croyons nous appartenir au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres. Je ne crois pas qu'on puisse être jaloux et raisonnable, ni qu'on puisse être envieux. Je crois pourtant qu'il est permis de souhaiter la ruine de ceux qui sont indignes de leur fortune et qui incommodent les autres. Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécutions et de haine que nos bonnes qualités. Cela est indubitable. Nous avons plus de force que de volonté, et c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous imaginons que les choses sont impossibles. D'accord, mais tout est limité dans les hommes. Si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. Peut-être. Mais je pense que souvent, le contraire est vrai. Je crois que ce qui rend Christine de Suède la plus célèbre en France, c'est le fait qu'elle soit parvenue à faire venir un philosophe qui était plus tout jeune tellement, c'était René Descartes. Il y est si bienvenu qu'il est mort ici. Alors, est-ce que on sait des choses sur les rapports de la souveraine et du philosophe? On dit qu'elle le réveillait à 4 heures du matin pour parler philosophie avec lui, ça est... Il ne l'a pas supporté, le pauvre. Et c'était en hiver aussi, je crois. Il a pris froid, il a eu une pneumonie, il est mort. Et je ne sais pas combien de temps il est resté, mais je pense qu'il s'agit de quelques mois seulement. Il y a des archives qui ne sont pas écrites sur du papier, mais dans la pierre. Celle-ci, nous sommes allés la chercher au cœur de Stockholm, à côté d'une église. C'est un spectacle assez étonnant que dans le vacarme des voitures et des motos, on trouve ici, vraiment en plein centre de la ville, une église. C'est l'église Adolphe Frédéric, une église protestante, bien sûr, sans vitraux, avec des fenêtres toutes blanches, des doubles fenêtres d'ailleurs, par précaution, par prévision de l'hiver. Et autour de cette église, il y a un jardin qui est encore un cimetière qui reçoit toujours les corps, je pense, des habitants de la paroisse. Et parmi ces personnalités qui sont ici, il y a celle du sculpteur suédois le plus célèbre du XVIIIe siècle, Tobias Sergel. Nous allons entrer dans cette église Adolphe Frédéric parce que l'archive que nous cherchons est là. À l'intérieur de l'église, sur un pilier, un monument de ce même sculpteur, Sergel. Je le lis, il est en latin. Gustavus, c'est le roi, bien sûr. Renato Cartesio, René Descartes, nato in Gallia, 1596, morto in Suecia, 1650, monumentum erexit, à la date de 1770. C'est gravé en or dans la pierre, et en dessous, il y a une figure allégorique. Un personnage ailé, avec une torche à la main, qui éclaire le monde, en écartant un grand rideau, auquel répondent, par une voix symbolique de l'autre côté, des nuages. Ici, en effet, à sa mort, fut enterré René Descartes. L'église a été détruite, et celle où nous nous trouvons est du XVIIIe siècle, mais on a conservé le monument élevé par le roi en souvenir de Descartes en 1770. C'est la mort d'un philosophe épuisé par une souveraine. Oui. C'est un extraordinaire dessin. Moi, ce qui me paraît le plus étonnant, c'est que Christine, la reine Christine, lui ait commandé un ballet. Quand on sait quelque chose de Descartes, on ne le voit pas du tout écrivant un argument de ballet. Alors, ce qui s'est passé entre ces deux êtres, vraiment, ça fait rêver. Parce que Descartes, qui était plus jeune, qui avait une œuvre, qui savait qu'elle était entendue par tous les philosophes d'Europe, ait écrit un ballet pour une souveraine, il était amoureux? Il avait peut-être vu des portraits de la reine Christine, mais ce n'est pas l'amoureux qui est parti de Paris, je ne pense pas. Alors il est tombé amoureux peut-être à son arrivée. Ce ballet, La naissance de la paix, on sait peu de choses de lui, sinon que, d'après une petite notice que nous avons lue ensemble, apparemment il y a des estropiés, il y a des réfugiés, il y a des blessés, il y a les images les plus pénibles de la guerre qui entrent sur la scène, et tel qu'on imagine le ballet du XVIIe siècle, avec des personnages couverts de plumes d'autruche, ça paraît un peu stupéfiant. Alors, à votre avis, c'est un ballet révolutionnaire? Pourquoi pas? C'est un ballet pacifiste, de toute façon. Donc, ce qui prouve que Christine était à l'avant-garde, même de ce domaine-là. On ne sait pas si c'est Christine qui l'a voulu comme ça, ou si c'est Descartes, mais pourquoi pas croire que c'est Christine? Jan Heidner est chercheur ici dans cette maison, mais il n'appartient pas à la maison. Il est professeur à l'Institut des études romanes, c'est-à-dire professeur de littérature française. Et très prochainement, il va publier une thèse qui va être consacrée aux lettres particulières du baron Carl Friedrich Schaeffer au comte Carl Gustav Tessin. On dit Tessin dans ce pays, mais Tessin est le vocable habituel. Nous sommes donc exactement dans ce domaine au milieu du XVIIIe siècle, et c'est lui qui vient bien vouloir nous dire de quelle façon il voit un sujet qui a déjà été souvent traité, bien sûr, qui a donné lieu à plusieurs expositions à Paris, de quelle façon il voit ces rapports culturels entre la France et la Suède au XVIIIe siècle. La première question, évidemment, c'est de savoir quelle est la figure qui, à votre avis, représente le mieux, symbolise le mieux la qualité de ces rapports culturels entre la France et la Suède. À votre avis, c'est qui? À mon avis, c'est Carl Gustav Tessin, qui est le personnage le plus important. Il avait des relations très suivies avec beaucoup de Français, avec des peintres, avec des écrivains, pas uniquement des Français, aussi des Italiens. Mm-hmm. On sait qu'il était l'ami de Boucher, d'Oudry, de Chardin, par exemple, pour ne citer que les plus importants. Il était aussi l'ami de Fontenelle, par exemple, pour citer les écrivains. Il n'était pas uniquement un admirateur, il achetait aussi beaucoup d'objets d'art. Et c'est peut-être le plus grand connaisseur en objets d'art, le plus grand connaisseur suédois du XVIIIe siècle. On sait que les collections du National Museum, donc les collections qui regardent le XVIIIe siècle, ont été achetées par Tessin. Peut-être pas uniquement par lui, il avait beaucoup de collaborateurs qui l'ont aidé, dont on peut citer Gersin, par exemple, le célèbre marchand d'objets d'art. Alors voici donc le paquet de lettres de Gersin, qui sont adressées à... À Tessin, à Carl Gustav Tessin, parce que Gersin est souvent chargé de faire des acquisitions à Paris pour Tessin, surtout pendant les ventes publiques, les ventes de Bonnier de la Mousson, et le vente La Roque en 1745. Et Tessin achète souvent un assez grand nombre de tableaux. On va passer des noms assez fabuleux comme ça, tout d'un coup. Oui, en tournant les pages. Terbruggen, deux grands chardins, oui, un magnifique tenier, du meilleur temps. Van Ostade, un Bamboche. J'ai trouvé... C'est le grand commerce. Quand il parle de tenir, il dit toujours un tenir du meilleur temps. Je crois que ça, c'est la lettre la plus intéressante, du 17 juin 1745. Le tableau de Watteau, l'enseigne de Gersin, peint en 1720, est si beau qu'il nous cache un peu le rôle de diffuseur international de ce marchand de tableaux du Pont-Neuf à Paris qui apparaît dans les archives de Stockholm avec cette lettre d'une parfaite mise en page. Il s'agit du rapport d'un fournisseur à un noble client. On va voir de quelle qualité il est. Une lettre de Gersin à Carl Gustav Tessin. Monseigneur, j'ai été si accablé par les deux ventes que je viens de faire consécutivement que je n'ai pas encore pu rendre compte à votre grandeur des acquisitions que j'y ai faites par ses ordres. J'ai tâché d'apporter toutes mes attentions pour qu'elles soient satisfaites et j'ai employé tous mes soins tant pour conditionner et réparer ce qui en avait besoin que pour les faire emballer avec attention. Le tout a été conduit hier au bateau pour être transporté à Rouen et là y être chargé dans un vaisseau qui vient d'y arriver. Cela n'a pas laissé que d'exiger du temps, ce qui a fait en partie que je n'ai pu encore rendre compte à votre grandeur des suites de la confiance qu'elle a bien voulu prendre en moi et que je tâcherai de remplir dans toutes les occasions qui se présenteront. J'espère que vous serez content du choix des 15 tableaux que vous recevrez à des prix auxquels je les ai eus. Ils feront sûrement un commencement de cabinet très amusant. Comme je compte partir environ dans 8 jours pour la Hollande et que je ne trouve pas assez de temps pour rendre à votre grandeur un compte exact sur toutes ces acquisitions et principalement sur la manœuvre de l'opéra, à quel sujet j'ai commencé un addenda aux deux mémoires qui se trouveront dans une caisse, je prendrai la liberté de vous écrire à cette occasion de la Hollande, attendu que cela demande un certain détail et un temps que je ne suis pas libre de pouvoir prendre avant mon départ. Si je pouvais cependant, par le premier courrier, commencer à vous donner quelques éclaircissements, je le ferais. Sinon, je prends la liberté de vouloir bien me permettre de remettre cela vers le 15 du mois prochain, où je me trouverai des moments libres que j'emploierai à y travailler. Cela ne pouvant se faire qu'avec réflexion. Je donnerai seulement avis à votre grandeur que les tableaux consistent en 3 Wouvermann, 1 Berchem, 2 petits et 2 grands chardins, un magnifique ténier du meilleur temps, un Tilbeau, 3 petits Ostades, 1 Bamboche et 2 petites batailles de Paracel que M. Delaroque avait acheté à la vente de M. Rigaud, peintre du roi. Si votre grandeur veut bien me le permettre, je lui rendrai compte des acquisitions en tableau que je pourrais faire en Hollande. Et si par hasard ce seigneur avait envie d'augmenter son cabinet de quelques pièces, je pourrais lui en procurer quelques-unes à des prix convenables et qui puissent former un cabinet de goût sans être trop cher. Je me recommande toujours à votre grandeur, étant extrêmement flatté de la confiance qu'elle m'a bien voulu accorder dans cette occasion, et je ferai tous mes efforts pour la mériter encore mieux par la suite. J'ai l'honneur d'être très respectueusement de votre grandeur, Monseigneur, le très humble et très obéissant serviteur, Gersin, à Paris le 17 juin 1745. Et aussi des alliés d'Argenville. Historien de la peinture, historien des jardins. De qui l'aidait. Avec qui? Toujours avec Tessin. Toujours avec Tessin. Ah, voilà des mots français qui arrivent. Je crois qu'il n'y a qu'une seule lettre, qui est beaucoup plus difficile à déchiffrer que les lettres de Tessin, c'est certain. Il n'y a qu'une seule, elle est sans date. Suivant la permission, monsieur, que vous m'avez donnée, j'ai l'honneur de vous envoyer la mémoire, le mémoire. Pour monsieur l'envoyé de Danemark, qui s'en chargera bien plus volontiers, venant de votre pays, de votre part, que de la mienne. Et vous arrivez à lire, vous? Vous ferez connaître en cette occasion votre protection pour les arts et les sciences et le bon goût, monsieur, qu'on voit régner chez vous dans tous les genres. Oserais-je vous prier de donner au porteur le portrait gravé de Solimène ou de Sebastiano Ricci, dont j'aurai tout le soin possible en le faisant copier. J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec toute la considération possible, votre très humble et très obéissant serviteur d'Argenville. Ce 23 juin ou 27 juin ? 23, je crois. 23 juin, au matin, J'ai joint le catalogue des estampes que je possède de la belle suite des planches de Sa Majesté suédoise. Mais ce que je voudrais savoir, c'est d'abord que vous m'aidiez à délimiter son champ d'intérêt. Vous avez dit qu'il était intéressé par la création intellectuelle en France et en Italie. Est-ce que sa curiosité allait ailleurs? Et par exemple, est-ce qu'il regardait du côté de l'Allemagne? Ou bien non? Est-ce qu'il regardait du côté de la Suisse? Est-ce qu'il allait jusqu'à regarder du côté de l'Espagne? Moins. C'était surtout la France qui l'intéressait. L'Italie aussi. Vous savez qu'il a voulu faire venir Tiepolo à Stockholm, mais comme on n'était pas assez riche, on n'avait pas assez d'argent, on n'a pas pu le payer. Enfin, il demandait un peu trop et Tiepolo n'est pas venu. Mais il est allé en Espagne à ce moment-là. Il est allé à Madrid, oui. Il y a donc un personnage ouvert, mais ouvert essentiellement sur le phénomène culturel français et italien. Vers l'Allemagne, j'aimerais savoir si ça l'intéressait ce qui s'y passait ou pas. Très peu. Très peu, à en juger par sa correspondance. Il est allé, vous savez peut-être qu'il a été ambassadeur à Vienne. Le séjour à Vienne ne lui a pas tellement plu. Il est revenu en Suède assez tôt. Il était très content de pouvoir quitter Vienne. Il faut nous présenter un peu ce personnage. Il était petit, il était grand, il était fort, il était... Décrivez-le nous. Bien sûr, il avait une perruque et une épée, on imagine bien. Mais derrière, sous la perruque, quel personnage était là? Je crois que c'était un assez petit homme. Et, avec l'âge, il s'est fait assez gros. Il aimait bien manger. Oui, au fond, ce n'est pas le colosse. Vous avez peut-être vu des portraits de Tessine. Il y en a un au National Museum, fait par Aved. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Et il y a d'autres portraits aussi du Suédois Lundberg, qui était son ami, enfin, qui a aussi passé quelques années en France, qui a même été membre de l'Académie de peinture. Je sais qu'il a exposé des tableaux de toute façon en 1750. Il y a donc un personnage pas très grand, qui n'est pas du tout l'image du Suédois colossal qui passe à peine sous les portes, donc assez à l'aise dans le milieu parisien où les gens à l'époque étaient encore moins grands qu'aujourd'hui, c'est-à-dire c'était pas grand chose. Et puis ce personnage, est-ce qu'il faut que nous le voyons tout le temps en carrosse entre Paris et Stockholm ou bien avec des séjours prolongés à Paris, à Stockholm et cette façon de s'intégrer dans une société, quelle était-elle? Il était toujours par voie et par chemin ou bien il avait des séjours d'un an, deux ans, trois ans? Comment fonctionnait-il à Paris? Quand il est venu en ambassadeur, c'est-à-dire il avait une mission spéciale, c'était de demander de l'argent au cardinal Fleury, parce qu'on voulait faire la guerre avec la Russie, on espérait reprendre quelques provinces que Charles XII avait perdues. Eh bien, il a eu de l'argent, la guerre a été commencée, mais on ne l'a pas gagnée. Il a profité de son séjour à Paris pour acheter beaucoup d'objets d'art, des tableaux, des livres. Et alors, quelle était sa mission? Est-ce qu'il achetait pour lui-même? Pour lui-même, surtout, à ce moment-là. Il s'est presque ruiné, il faut peut-être l'ajouter. Bien qu'il ait une femme très riche, là, je crois que quand il l'a épousée, c'était la plus riche héritière de toute la Suède. Et il l'a ruinée alors. Il l'a ruinée, mais elle n'a pas protesté, elle a été parfaitement d'accord. C'était une femme qui aimait bien son mari, qui était parfaitement d'accord. Bien, alors la curiosité de cet essaim, Tessine, pour vous, quelle est-elle? Est-ce que c'est un amoureux des objets d'art, de la peinture, de la poésie? Ou bien est-ce que sa curiosité va jusqu'à la curiosité scientifique? Enfin, est-ce que c'est encore un homme de la Renaissance? Ou bien est-ce qu'il sait venir par être ici, enfermé, mais enfin quand même un peu restreint dans le domaine de la peinture, de la poésie et de la musique? Ou pas? Je crois qu'il faut le regarder comme un grand connaisseur. Il savait choisir les objets d'art. Il suffit de regarder sa bibliothèque pour voir qu'il se documentait. Quand on regarde les volumes qu'on trouve toujours à la Bibliothèque Royale, ce sont des volumes qu'il a lus surtout. Il en parle d'ailleurs dans son journal en 30 volumes de 20 000 pages. Ce qu'on vient d'entendre, il faut le dire pour les auditeurs qui ne vont pas comprendre, c'est que comme dans chaque archive où nous sommes allés depuis le début de cette enquête, toutes les 5 ou 10 minutes, il y a un appel téléphonique à l'intention du personnel. Cette fois, vous avez compris, c'était en suédois. Donc, revenons à ce dessin. Quel est son rôle dans les échanges culturels entre la Suède et la France? Parce que, tel que vous nous le présentez, c'est un homme qui est informé de la culture française, qui se fait une belle collection. Mais en quoi c'est ce qu'il rassemble à Paris est quelque chose qui va faire évoluer ces rapports culturels entre les deux pays? On peut peut-être dire que la vie change, mais je ne sais pas s'il faut attribuer à l'activité de Tessin ce changement. On l'attribue assez souvent à l'architecte suédois Karl Hårlemann, qui est allé à Paris en 1744 et qui est revenu un an après. On date le début du rococo suédois du moment où il est rentré en Suède. Donc le changement se voit dans la rue puisque l'architecture évolue, c'est ça? Ce n'est pas tout à fait grâce à Tessin, mais il fait partie de ceux qui font évoluer les arts en Suède. Tessin, et on peut peut-être dire qu'il y a trois personnes qui sont importantes. Tessin, Louis Ulrich et Hårlemann, l'architecte. L'architecte, oui. Bien, alors de quelle façon sont-ils efficaces? Louis Ulrich, donc Sa Majesté, elle est encore en 44, elle n'est pas encore Sa Majesté, mais seulement princesse royale. Elle va devenir reine en 51, à la mort du roi Frédéric Ier. Évidemment, parce qu'elle construit, le vieux roi lui a donné son château de Drottningholm, et c'est un château du XVIIe siècle qui ne plaît pas tellement à Louis Ulrich. Elle veut du nouveau, elle veut tout changer. Donc le château est en partie surélevé. Ce travail est confié à Hårlemann, qui vient de rentrer de Paris. Son conseiller artistique, c'est Tessin. Donc il y a ce trio-là qui travaille ensemble, qui s'intéresse au progrès de l'architecture française. Et il faut peut-être rappeler que cette reine, future reine, Louise Ulrich, vous me l'avez appris tout à l'heure, c'est la sœur de Frédéric de Prusse. Voilà. Alors, qui dit Frédéric de Prusse, dit un personnage attentif à la création artistique dans le monde entier. Et là, on débouche sur un ensemble de souverains européens, que ce soit Frédéric en Prusse, que ce soit Catherine en Russie, que ce soit, il n'a pas duré longtemps, mais un souverain polonais, ou bien d'autres en Suède, en l'occurrence, attentifs à se disputer les rares chefs-d'œuvre qui sont encore d'accès possible sur les marchés européens et à soutenir les véritables créateurs du temps. Alors, quel était l'intérêt de votre reine, Louise Ulrich, à l'égard de la création artistique de son temps et du passé? Vous savez, je crois que ça a très bien commencé à Berlin en 1744, puisque Tessin est allé à Berlin pour demander au roi Frédéric le Grand la main de Louise Ulrich. Et le mariage, par procuration, a eu lieu à Berlin en juillet 1744. Et puis, Louise Ulrich et Tessin sont allés ensemble avec beaucoup de militaires et beaucoup de dignitaires à Karlskrona. Et c'est là qu'elle a vu pour la première fois l'homme dont elle était déjà l'épouse. Pour les noces de Louise Ulrich et d'Adolphe Frédéric, il y eut une musique qui fut jouée le 18 août 1744 au château de Drottningholm. Musique du mariage royal, composée par Johann Helmich Roumann, en français nous disons roman, ce Roumann, formé en Angleterre et reconnu comme le père de la musique suédoise. Nous écoutons cette musique nuptiale. Mais Adolphe Frédéric, son mari, était un homme extrêmement doux, pas du tout autoritaire. Donc, il semble que le mariage ait été très heureux. C'est Cette émission de Pierre Descargues et Noureddin Sanouni a été enregistrée par Kurt Bjurenström de la radio suédoise. Nous remercions de leur aide à fouiller dans les 80 km de rayon des archives nationales de Stockholm Jan Lindroth, Inga Offerberg et Folke Ludwigs. Et les textes étaient lus par Frédéric Cantrel et Roland Ménard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 août 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».